L'abdomen traumatique. Il traumatise l'abdomen. Est-ce que vous avez préparé l'abdomen aigu? La dernière fois, comme il faut vraiment préparer. Maintenant, j'ai une idée. Vous avez fait des TD. On va commencer par la définition. Def. Qui connaît l'abdomen aigu en général? Symptômes. Ce qui dit ici, c'est des symptômes. De symptômes cliniques, ou bien de signes cliniques. Qui est révélateur de quoi? Ces symptômes qui peuvent être comment? Ils peuvent être, vous avez fait l'observation. Il y a des signes cliniques qui sont comment? On a des signes fonctionnels. Physiques. Donc, ils peuvent être subjectifs ou objectifs. Parmi les signes subjectifs, qu'est-ce que vous avez? La douleur également. Nausée. Nausée. Personne ne peut voir les nausées, c'est le malade qui les déclare. Comme du transit, c'est juste subjectif. Comme on peut les voir également, mais surtout la douleur, les nausées. Donc, ces signes subjectifs ou bien objectifs qui sont révélateurs de plusieurs étiologies. L'abdomen aigu, ce n'est pas une seule pathologie, de plusieurs étiologies. Ces étiologies sont d'ordre de quel siège? Abdominal. Le siège abdominal. Parce qu'on peut avoir des douleurs abdominales, mais dont le point de départ, ce n'est pas abdominal. D'accord? C'est thoracique, pulidien. D'accord? Dans l'abdomen aigu, l'important, c'est de savoir localiser le siège de la douleur et l'appartenance. Parce que dans l'idéal, on peut avoir une douleur épigastrique. Alors que c'est pas l'origine est thoracique. L'abdomen aigu également, il est fréquent. C'est un motif de consultation fréquent aux urgences chirurgicales ou bien médico-chirurgicales. D'accord. C'est un motif de consultation fréquent aux urgences. Le maître symptôme de l'abdomen aigu, c'est quoi? C'est la douleur abdominale. Et quelle est la cause la plus fréquente de l'abdomen aigu? C'est l'appendicite aigu. Chez l'homme ou bien chez la femme? La première cause, c'est l'appendicite aigu. Quel est le petit chien homme? Il n'y a pas de différence de sexe. Non, il n'y a pas de différence de sexe. parce que la pathologie n'a aucun rapport avec le sexe. La femme a bien sûr des abdomens aigus fréquents, mais la première cause, c'est l'appendicite. Il faut savoir que vu la gravité de certains diagnostics, la gravité qui peuvent être même mortelles, vu la gravité de certains diagnostics, il est important de considérer l'abdomen aigu comme une urgence chirurgicale en premier. D'accord ? Il faut toujours penser à une chirurgie qui est une chirurgie chirurgicale. Et l'examen ou bien les diagnostics de l'abdomen aigu, il est très difficile. Il est lié à plusieurs causes, cette difficulté. Elle est liée à plusieurs causes. À votre avis, quelle est la première cause ? Quelle résistance ? Non, ce n'est pas la résistance. L'installation. Non. Non. Elle est diagnostiquée difficile. Différentielle. Elle est difficile. Ah, d'accord. Vous pensez à l'appendicite aiguë. Quelle est la difficulté diagnostique ? Polymorphisme clinique. Très bien. Il y a le polymorphisme clinique. Et surtout lié à des manifestations atypiques. Ce qu'on vous enseigne là, c'est des manifestations typiques que vous ne rencontrez jamais dans votre vie professionnelle. D'accord ? Quand on vous fait un cours, de comme la forme typique de l'essai clinique qui n'existe pas en réalité. D'accord ? Mais c'est dans un but pédagogique. D'accord ? Alors que l'appendicite, vous trouvez difficile, ça n'arrivera jamais. Parce que quand un malade modèle comme ça, c'est jamais. Tu m'as entendu en tout cas. Non, c'est pas vrai. Donc c'est pour le faire transmettre le message seulement. Je te dis. Et dit que ce malade, par exemple, a un appendicite qui dure avec Chile et le malade. Impossible. C'est des manifestations atypiques. Ou généralement, tu m'as quitté sur les formations. Je sais, il est à la compagnie. Une ligne. Alors que normalement, c'est les manifestations atypiques qui sont plus, qui devaient être plus détaillées. Donc l'abdomen aigu, il est lié, la difficulté de diagnostic est liée aux manifestations atypiques. Ces manifestations atypiques, elles sont beaucoup plus liées à quoi ? Aux anomalies anatomiques. À fond. Quelle est l'anomalie anatomique, par exemple ? Pardon ? Position rétrograde. Très bien. Parce qu'un appendicite peut être sous-hépatique, comme il peut être à la gauche, c'est dans le cas de situs inversus. Comme on peut avoir également mésocéliale. C'est comme le cas de l'appendice seulement. Il y a plusieurs manifestations atypiques. D'accord. Et lié également, en dehors de ces manifestations atypiques, il y a une autre cause. Elle est liée à quoi ? Au terrain. Au terrain, c'est le malade lui-même. Un immunodéprimé, c'est pas comme un sujet normal. Un homme taré, c'est pas comme un sujet normal. L'examen est plus difficile. Il est lié surtout également à l'âge. L'examen chez l'enfant est très difficile. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant ? Vous entendez ? Oui. Nous, c'est tout ça, rien que nous dit qu'on va le faire. Est-ce que ça va ? C'est contre l'abdomen aigu. Maintenant, si la hadja fait l'abdomen aigu, normalement, quand est-ce qu'on parle d'abdomen aigu ? La période. La période de l'aigu. Quelques jours, mais ce n'est pas une réponse. À partir de 12. Moins d'une semaine. Deux heures. Ah, 12. 12 heures, non. Moins d'une semaine. C'est bien. D'accord. Quelques jours, je ne sais pas. Quand je dis que les bateaux partent à ce moment-là, ça, on est là. Pour dire, ils ont donné, c'est quelques jours au cours, quelques jours. Quelques critères. Ça peut aller jusqu'à combien? C'est pas 7 lettres. Donc, pour être exact. Tu aurais dit qu'un malade voulait avoir quelques douleurs. Il n'y a pas de quelques douleurs. Soit il a, soit il n'a pas. Et donc, c'est du français. D'accord. Donc, c'est moins d'une semaine. Quand ça dépasse une semaine, ce n'est plus un abdomen aigu, on est dans la chronicité. D'accord. Tout ma chemin sur un doigt appendicite d'une semaine. Plus d'une semaine, mais quand il n'y a pas d'appendicite, plus d'une semaine. Sauf ce qu'un oeil, il est vicieux. Beaucoup plus les sujets DNV, bien hystériques. D'accord. C'est comme quand des femmes, par exemple, tu as voir la grossesse, elle dit que. Pardon? Imaginaire. Oui? Oui? C'est psychique. Elle a les signes sympathiques, tout ça. Ou elle se considère comme enceinte. Il faut se comporter chez elle comme elle est enceinte. Comme telle. Sinon, tu vas la déséquilibrer. Je me demande qui est la grossesse, tout ça. Il faut. C'est vrai. Parce que c'est psychique. Ça existe, c'est vrai. Mais elle lui dit, ouais. Mais elle, ouais, délégué. Mais je chauffe aussi, on continue ou là on attend? On continue. Très bien. Bad, il y a un retard, mettez le là. Maintenant, on va passer à l'examen de l'abdomen aigu. Donc, on a parlé de la définition, on l'a situé dans le temps. On va parler de l'examen chez un sujet qui se présente aux urgences chirurgicales pour un abdomen aigu. Quel est le premier examen à réaliser? L'interrogatoire. Et l'interrogatoire, vous interrogez qui? Également, l'entourage, parce que le malade, il peut être muet. Très bien. Et surtout, l'entourage. Quitte à une femme, vous interrogez qui, c'est généralement? Ou quitte à une femme, c'est généralement? Il dit, moi, il y a trop le mari. Il y a des femmes. Le pourcentage des femmes non mariées. Non, contre les sous-jeunes. Depuis de côté à demi. Pardon? Non, mais quand je pense du monde. Le président français n'est pas marié. Il n'est pas marié. Pardon? Non, Tahana, c'est autre chose. Tahana, ma kbir. Mais même jeune. Mais qu'est-ce que le mariage d'Orkviane? Vous savez pourquoi il n'y a pas de mariage en France? Mais comme j'ai une idée. Non, pas de comme Skyni, dis-moi. Pardon? Non, c'est pas le chômage. Les gars, alors déjà, il a donné un mot. Mais je touche la responsabilité. Mais beaucoup plus, quel type de responsabilité? Parental. Les enfants, un homme, il a fait un mot normal. Oui, oui. Pour ma mouche, un enfant, il peut le reconnaître. Il aura ses papiers et tout ça. Où est le problème? L'argent, dans quelle forme? Sous quelle forme? Lors du divorce. Moi, les pensions. 50%, 50%. Je n'ai pas le droit d'éliter ta femme. Tu n'as pas le droit d'éliter ta femme. C'est impossible. Il y a des rythmes, mais ça, non. D'accord? Contre, j'ai dit qu'avant de me dire, je me dis là. Non, non. Tu vois la différence. Donc, je connais mieux. Hana ou la Roma? Hana, cher. D'accord. C'est ça la différence. Mais je me dis le 50%. Et vu les trucs de divorce, ça coûte cher. Où est-ce? Ils peuvent se séparer, ils ont du normal concubinage, sans papier, mais ils sont normal, c'est accepté socialement. Ils veulent se séparer, c'est pas la peine d'aller à la justice. Ou que le monde dit soir. Surtout, c'est bien. Non, non. Pardon. Elle dit, c'est une parenthèse, donc, justement, il faut raisonner par une femme mariée et l'homme tenu. Donc, il faut interroger qui pour la femme? Sa mère. Ses parents, c'est très important. Il faut toujours interroger l'homme qui vit avec, ou là, la femme qui vit avec. D'accord. Le Canada d'un étudiant, il faut interroger l'entourage de lui. Parce qu'à partir de l'interrogatoire, on peut avoir des signes très importants. Et on va citer quelques-uns. Vers-toi l'observation, Ali. L'observation chirurgicale. L'interrogatoire, donc, vous le faites, le premier, vous demandez quoi en premier lieu? Qu'est-ce que vous demandez? Avant. Avant les symptômes. L'état civil. L'âge du patient, c'est très important. Pourquoi l'âge? Par exemple, chez la femme, pourquoi on demande l'âge? Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Avant la ménopause. C'est un signe. Beaucoup plus. Pardon? Très bien. Parce que une femme en activité génitale, le premier diagnostic à évoquer, c'est quoi? Premier diagnostic. Grossesse extra-utérine. D'accord. Vous avez vu l'âge, il est très important. Il faut se dire que moi je pense que bien tu parles. Non, ça marche. C'est vrai. Il ne faut pas se méfier. D'accord. Les apparences. Les apparences sont trompeuses. D'accord. C'est très important l'âge. Il faut savoir un abdomen aigu chez une femme en activité génitale, le premier diagnostic à évoquer. C'est la grossesse extra-utérine. Elle peut même être en état de choc. L'hypotension, oui. Pardon? Oui, ça, mais surtout la GU. D'accord? C'est le premier diagnostic. Donc l'âge, vous demandez quoi également? Les antécédents du patient. Est-ce que c'est un diagnostic privé? Les épisodes similaires. Maintenant, on va passer au motif de consultation. S'il consulte pour une douleur, qu'est-ce qu'on demande? Avant le siège. Le mode de début. Est-ce qu'il est brutal ou bien progressif? Si tu dis qu'il y a une seule, qu'il y a un mois, ce n'est plus un abdomen aigu. D'accord? Après le mode de début, quoi encore? Le siège de la douleur. Vous connaissez les différents cadrans de l'abdomen. Vous connaissez les limites. Les limites par quoi? L'abdomen. Des nerfs cadrans. Vous avez l'épigastre, le flanc, la fosse iliaque, l'hypocondre. Ils sont limités par quoi? Par des lignes. Donc vous avez un abdomen. Donc on va limiter l'abdomen. Donc on les divise en 4 cadrans, en 9 cadrans. Est-ce que quelqu'un connaît les limites des lignes, les deux lignes verticales, horizontales, les deux lignes verticales? Ça, c'est par le rebord costal. C'est pourquoi on dit hypochondre. C'est sous le rebord costal. Et ça, la deuxième ligne, c'est une ligne supérieure. Les lignes verticales, les muscles droits de l'abdomen. D'accord? C'est les muscles droits de l'abdomen. Il y a deux muscles. Le port externe, les muscles de l'endroit, ce qu'on appelle les abdominaux. D'accord? Donc on demande le siège de la douleur. Après le siège, le type de la douleur. Le type, un type de crampe, de brûlure, de colique, d'accord? On va passer activement, parce que l'important, c'est pas ça. Vous questionnez également le caractère de la douleur, le caractère, est-ce qu'il est contrôlé paroxystique ou bien intermittent, les irradiations. On recherche également les facteurs déclenchants et les positions contagieuses. Quelle est la position contagieuse que vous connaissez? C'est quoi chez le fusil? Non, moi je l'appelle la méningite. Mais pourquoi? Pourquoi on l'appelle le chien fusil? شو شين فيزياء؟ كان كحلا هذا كان الله هذا في تيري بي ضربك هذا كوا هذا كوا. قولوا فرعون قولوا. عنده السوبر بسيكوريتي جيها. Incliné. D'accord, elle est inclinée comme ça. Donc, elle a un chemin, elle a un doc automatique, elle a un doc automatique. D'accord. Donc, il est incliné comme ça. Il y a tout le chien de fusil. Le herz, c'est la fusil. Parce que, généralement, le chien, le herz qui me fait sortir quel bruit, ben, c'est le herz. Généralement, il est considéré comme le herz à centimètre. Donc la sentinelle de l'herbe, c'est le physique, c'est le chien. Il est accroupi comme ça. Donc ça, il ne faut pas penser au chien. Très bien. Quelle est la majorité de la population? Je vous ai dit. Je vous ai dit. Très bien. Avec la position antalgique, elle est la plus fréquente. Chez la femme, quelle est la position antalgique la plus fréquente? Non. Non. Allez, dégage. Qui dit une femme, maman, t'as fait, non? La position de la femme. Pardon? Non. Chez vous, pardon. Où est-ce que tu es? C'est vrai. Expliquez quelques mots. Oui. La femme, elle est beaucoup plus hystérique. Elle lâche les positions. Elle est jamais une femme en position scientifique. Pas bien plus belle. Mais non, il y a des choses toujours, elle dramatise. La position est beaucoup plus directe. Allah. Ya. pas où dedans. Chez le fusil, c'est trop grand. La femme, elle vient toujours chaos. Mais le même elle vient chaos. Parce qu'elle dramatise les signes. Vous voyez, il y a beaucoup plus de l'âme, c'est la nature humaine. Mais ça a l'air l'âme, pas donc la femme de fer. Avec une autre conférence, on ne parle plus de sage-femme. Donc même les sages-femmes hommes. L'appellation est toujours sage-femme. L'appellation, elle est restée sage-femme. Mais ça pourquoi la fonction c'est un nom. Sage-femme. D'accord? Comme médecin. Le médecin tenu, beaucoup plus, c'est bon. Mais quand la femme tenue, médecin. Même pour ne pas songer le mot sage-femme, très bien le mot sage-femme, mais au fond, elle n'est pas sage. Il y a l'appellation en grand. Beaucoup plus, c'est l'Iqabi là. Alors, en arrière, c'est plus. C'est plus que l'ici. Parce que quand même, elle est sage. Voilà, non. C'est le chien. C'est le son. C'était sauvagement. On avance le travail là. يقول له عبد الرحمن يا خير خرج ديك الصبيطه خلاص عبد الرحمن toujours maintenir le passion en jeu. Pourquoi? Non. Parce qu'on a dit qu'il peut être chirurgical l'abdomen. Il vaut mieux opérer le patient comment? À jeun. Je ne comprends pas pourquoi l'âge. Vous voyez, c'est à jeun ou là? Je suis à jeun. Généralement, quand vous prendrez la route, la première chose qu'il dira, c'est quoi? La première chose. Vous voyez que c'est deux couleurs. Je me dis que c'est après. Il vaut mieux faire un accident comme vous. Agent. Pourquoi? Pour deux choses que j'ai après. Agent, c'est tout. Surtout, il faut éviter avant. C'est ma gargue. Tu me fais me dire. Le transport, on mange. Lequel? L'avion. L'avion, pourquoi? On ne va pas penser à l'automatisme de la vessie ou là. On voit qu'on ne fait pas compliqué. Non. Si on voyage comment, généralement, j'ai rien à voir là-bas. Non, général. Vous dites une ligne. Tu lignes à fond là, par exemple. Maintenant, on va passer à l'examen clinique. Vous commencez par quoi? Je vais chercher le cool. Avant, il faut toujours rechercher les signes associés. Si c'est une douleur, il faut rechercher les signes associés. Nausées, vomissements, hémorragie, trouble de transit. D'accord? Maintenant, l'examen clinique. Vous commencez par quoi? Non, pardon, vous avez un abdomen aigu, je sais que c'est un aigu. Mais vous commencez par quoi? Par la région d'appel, qui est l'abdomen. D'accord? Le premier, c'est l'inspection. Il faut voir l'état du malade. La position en chaîne fusil, c'est une position alarmante. Très bien. Il faut voir également le faciès. Parce que parfois, on a un faciès qui est infecté. D'accord? Un faciès terreux, tout ça, ça montre que le malade, il est vraiment fatigué. Vous recherchez s'il y a un ictère, la pâleur, d'une hémorragie, l'ictère. D'accord? Après ça, vous commencez à l'inspection de l'abdomen. À l'inspection de l'abdomen, vous allez rechercher quoi? Une cicatrice, est-ce qu'il a été opéré ou non? Deuxièmement, avant la masse. Non, avant. Est-ce que l'abdomen il respire ou non? D'accord? La mobilité de l'abdomen. Est-ce qu'il respire ou non? Est-ce que c'est un abdomen qui répond ou non? Selon le malade. C'est le malade, il reste figé. Parce que la respiration, elle lui fait mal. Donc il ne respire pas quoi? J'ai l'inspection. Si tu ne pas par l'abdomen, comment il marque? Quel muscle tu utilises? Les muscles accessoires. D'accord? Maintenant, les muscles d'abdomen, ils servent à quoi? Expiration. Également quoi? Expiration forcée. C'est l'aspiration. L'expiration. Oui, également. Ils servent à quoi les muscles d'abdomen? Zoupetite. Oui, la défécation. Imaginez-vous, il va dire ce qu'il ne va jamais faire, c'est ça. Parce qu'il doit contracter ses muscles. Également quoi? Les urines. Encore. Zilou, également quoi? Le tout. Pardon? Tout. La toux, oui. C'est dans les formes respiratoires. Également quoi l'abdomen? L'accouchement chez la femme. Très bien. Non, c'est un médecin. Alors, je l'avais. Ça ne t'intéresse pas, ça. T'as les mystères qui sont pas pour la vie. Ça ne t'intéresse pas. D'accord. À la palpation, il faut toujours examiner le patient comment? Décubitus dorsal également. Jean Pouchy également. Oui, puis avant. Décubitus dorsal. Pardon? Vessie. D'accord. Il faut examiner vessie. C'est très important. Dévêtu, les mains chauffées. D'accord? En décubitus dorsal, les jambes légèrement fléchies. Il faut toujours examiner le malade comment? Conscient. un patient qui est conscient ne coopère pas. Conscient et rassuré. D'accord. C'est trop fou, je pense que dès qu'un chaf le malade, s'il a peur, il ne va pas vous laisser examiner. Il ne va pas se laisser examiner facilement. Et surtout chez l'enfant. Vous avez remarqué que les enfants, c'est des pleurs. D'accord. Et ça va forcer le diagnostic. On va expliquer plus tard. Ça va pas passer. Donc, la palpation, il faut commencer toujours par la zone non douloureuse. Là, c'est l'inverse. Mmh. On lui pose la première question qu'on lui pose, lui touche. D'accord. C'est une agression. Il faut toujours commencer, il faut rassurer le malade. Lui, il parle. Il parle. C'est malade, un mec Donc la palpation, vous recherchez une masse, une défense et une contraction. La défense, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez la définition de la défense abdominale? C'est quoi la défense abdominale? D'accord, quand même, de tout là, c'est mieux. Contraction, pardon? Elle a dit contraction involontaire. Vous êtes d'accord? Volontaire, également. C'est une contraction de quoi? Contraction de quoi? Des muscles de l'abdomen. Et lié à quoi? En relation avec quoi? Avec une irritation péritoniale. D'accord? Il y a un foyer abdominal, une irritation péritoniale. Mais c'est une contraction qui est provoquée. Elle est volontaire. Elle est provoquée par la palpation. Et cette défense, elle peut être localisée ou généralisée. Et généralement, c'est une défense. La défense, elle est comment? Elle est. Non, elle peut être localisée ou généralisée, mais surtout un caractère. Elle n'est pas permanente. Vous avez dit? Invincible, non. Au contraire, on peut la vaincre. D'accord? Elle est vaincue. Bon point. D'accord? On peut la vaincre par une palpation douce et profonde. D'autres malades, vous passez dans d'autres. Il va oublier un petit peu sa pathologie. Alors que la contraction, c'est l'inverse. D'accord, c'est les muscles de l'abdomen qui sont permanents. Elle est involontaire, invincible. Et elle est tendue et douloureuse. D'accord. Contracture. La contracture, elle est tendue. Donc, c'est ce qu'on appelle le véritable abdomen de bois. Et quand est-ce qu'on ne retrouve pas ces signes pour avoir une défense ou bien une contracture, surtout? Ça exige quoi? Ça exige quoi chez un malade pour avoir une contracture ou une défense? Parce que parfois on ne le trouve pas alors qu'il s'est dans un aigu. Pourquoi? Pardon? Non, il y a l'évitation, mais on ne retrouve pas ces signes. Il faut se méfier. Donc, vous trouvez moins de faire ça scientifiquement pour les chiens. Comment? Un sujet âgé. La musculature interne, elle est faible. Également. La femme enceinte. Très bien. J'ai un mot, tout va être très bien, je me faiblesse des muscles. Pas de contracture, alors que c'est péritonite. C'est-à-dire la forme asthénique. C'est l'asthénique. Comme tu as dit. Vous voyez, généralement, que vous rencontrez, il ne faut jamais dire comment. On va mettre bien, vous voyez, que la classique contraction. Ici, le premier, c'est comme ça. C'est bien rouge. Avec ces explorations. Non, bon, maintenant, on ne retrouve pas. Parce que maintenant, la médecine. Ce n'est pas comme dans les années 60, la médecine elle a évolué, donc le premier moment 4, c'est un travail 44. شي هادي 33 44 سوا قلت 33 بيركوتي كيسمع لي فيبراسيون فوق Non, parce qu'avant, la radiographie du thorax, c'était un examen de luxe, dans les années 60-70. Personne ne pouvait faire une radiographie du thorax. Et nous, ils choisissent les malades. Quels sont les malades qui nécessitent une radiographie du thorax? Maintenant, non, c'est fait. Pourquoi le bâtiment se mâche? Qui va interagir du luxe? L'interfait va être se mâche. Maintenant, tu vas les faire passer. D'accord. C'est subjectif, c'est comme en cas de la cardio. La cardio, tu n'as pas avec le stéthoscope, le sera un sixième, le sixième. Je dis, c'est subjectif. Maintenant, c'est des explorations, c'est l'UCG, c'est l'écho-cardio. On n'a plus. C'est ça la rame. Pardon? Mouche. Non, je veux dire, c'est vous. Donc, vous touchez, je dis, c'est vous. Mais ma pauche. D'ailleurs, on peut plus faire cette chose avec le haja ou l'extérieur. D'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas les moyens. Mais maintenant, avec les moyens, c'est pas. Tu imagines, on est malade, mais qui dit, on a un temps de boire la crèche. C'est pas normal. Il dit, on est de l'eau. Est-ce que nous devons avoir aussi du flot? Il y a c'est ma page. D'accord, c'est une perte de temps. Et deuxièmement, elle va vous donner jamais le diagnostic. Est-ce que tu vois, tu as un malade, tu as un temps de la crèche, tu as un temps de c'est pas. Parce que dans la thématique, on va parler beaucoup des explorations. C'est des symboles d'orientation, d'accord? Personne ne va avoir un diagnostic sur un examen clinique. Sauf un diagnostic qui est l'appendicite aiguë. L'appendicite aiguë, c'est le diagnostic qui est généralement clinique. Comme c'est le plus fréquent, généralement, il est clinique. Mais quand on a un doute, il faut passer aux explorations. La façon dont on a dit ça, ensuite vous faites la percussion, on recherche une matité, c'est ça. Mais d'où ma page, on ne recherche plus un pneumopéritoine à part la disparition de la matité préhépatique. C'est pas rien, c'est subjectif. Donc on passe aux explorations. Le premier qu'on donne, qu'on demande, c'est une radiographie de l'abdomen sans préparation, ce qu'on appelle un aspirateur. Debout. À côté de ça, vous demandez une échographie abdominale. À l'aspirateur, à la recherche de quoi vous proposez. Pourquoi on demande un aspirateur? Avant les niveaux. On recherche un pneumopéritoine qui témoigne du perforation d'un organe creux. Quels sont les organes creux dans l'abdomen? Oui. Oui, également. Oui, le tube digestif, oui, également. La vessie, c'est un organe creux. Oui, elle est creuse. La vessie, elle est creuse. Également, un autre organe creux. L'utérus, très bien. Mais ça, est-ce que l'utérus donne une péritonite? Non. Donc la vessie, elle donne, c'est un neuropéritoine. D'accord. L'ovaire, est-ce que c'est un organe creux ou bien plein? Plein. Plein. Plein, très bien. La trompe, c'est un organe creux qui peut donner une péritonite. Comment? Un vieux apex. Les voies biliaires, c'est une péritonite biliaire. D'accord? Qui? L'ovaire, non, c'est beaucoup plus simple. C'est des follicules ovariens qui donnent un hémorragie. D'accord? Qui donne un hémopéritoine, pas une péritonite. L'ovaire, sauf s'il y a une ovarie, un abcès ovarien. Mais c'est que ce sont généralement l'ovaire, c'est un kyste de l'ovaire. D'accord? Mais quelle péritonite d'origine ovarienne? Quelle est une péritonite? Non. Mais quelle est une péritonite d'origine ovarienne? C'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que ce sont d'origine génitale, c'est les plus albex, ce qu'on appelle les pètes péritoniques, ou bien les péritonites d'origine vésicale, péritonite biliaire et par perforation digestive. Je peux lui dire à faire une péritonite à développer? la moins dangereuse. L'estomac est chimique, oui, mais les chimiques, il faut des vues chimiques, beaucoup plus. Je sais, les chimiques, c'est qu'il y a plus de mien. C'est pas difficile. C'est les pelvis péritonites. Mais qu'est-ce qu'une perforation avec un web? Généralement, la cause, elle est simple. C'est une infection chimique. Hein. Vous ne trouverez rien, c'est un foie infectieux qui a été tombé. D'accord? C'est un peu ça. Le traitement, il est simple. Ce n'est pas comme une perforation d'un organe creux. Vous êtes obligé de réséquer, de traiter la cause. Pelvis péritonite, on nettoie seulement. On ne trouve rien. Ou bien les péritonites, ce qu'on appelle également acide, l'infection d'acide. Chez les immunodéprimés, ou bien les dialysés. D'accord, c'est des péritonites primitives. D'accord, qui sont généralement monomicrobiens. Un seul microbe, alors que les autres sont polymicrobiens. Vous allez faire ça pour les péritonites. Un coup de cours, alors, très vous posez la question à l'enseignant. Vous risquez la péritonite lumière. Vous allez voir la différence. Peut-être que oui, je suis plus dans le il est plus douce. Fait qu'on a une femme et deux. J'ai travaillé. Fait qu'on a un homme. La femme, elle répond directement au petit péril. Je peux la médecine faire en même temps. La médecine, je vais m'appeler. C'est très important. Le corps humain n'est pas le même. Donc, vous faites une échographie abdominale, un aspect pneumopéritoine, des niveaux hydro-aériens. C'est ça ce qu'on recherche généralement. L'échographie abdominale, et maintenant, on demande des TDM abdominales. L'abdomen aigu, la TDM abdominale, elle est devenue un examen de priorité. Sauf en Algérie, puisqu'à l'Andrache, toutes les structures ne sont pas dotées de ce scan. Même l'échographie, il n'y a pas d'échographie, seulement l'abdomen sans préparation. Pourquoi il n'y a pas d'échographie? Mais la voilée. Non, c'est pas cher. Parce qu'il n'y a pas de médecin, tout dire ou pas? C'est simple. Parce qu'il ne faut pas voir le CHU seulement. Et c'est sanitaire, généralement, il n'y a pas de radiologue de garde. Donc on ne le fait pas. Il y a un scanner. Mais un scanner Kane, il n'est pas fonctionnel. D'accord. Donc, okay, c'est et des éléments de surveillance. Et qu'est-ce qu'on demande demain en malade, surtout de faire voir? C'est là qu'il y a eu ça. Non. C'est pas mal. Dis-nous le nom de l'an, c'est le futur à la parole. Et c'est plus sûr. D'accord. Pareil, dis-nous, même dans toutes les conditions, c'est un petit peu le halim. D'accord. Vous avez vu finalement le prix, il est utile. Imagine que Majesh, Wintirwai. Hana des malades, ça a généralement, on leur demande de faire l'examen dehors. Le CBU dehors, pour le soukaké, pour le chparat. C'est bénéfique aux malades. On dit pas l'urgence, mais c'est pas l'urgence mortelle. Mais qu'on doit le chic ou non. On n'est pas sûr. Donc, à tout, il y aura le scanner. Généralement, toutes les cliniques, elles ouvrent devant l'hôpital. يعني ça ne coûte rien. Vous avez mon scanner à l'hôpital, on peut aller dans les urgences. Donc, c'est la même distance. Pourquoi voir Constantine, les autres villes de l'Algérie, les cliniques privées, généralement, elles ouvrent autour de l'hôpital. Oui, si, oui. Mais dis non, vous voyez, on n'a pas Alger, maintenant. Alors, c'est des cliniques autour de l'hôpital, c'est comme des vampires. Oui, c'est vrai. À la fin de l'hôpital, il n'a rien. Malade, il y a des pilotes qui se font à l'extérieur. Là, c'est bon, je sais pas. Tout se fait en privé. Malade, c'est utile, hein? C'est très utile en opération. Amenez la bisserve. Tu m'as toujours fait la merde. Non, c'est bien, là. Quand tu as la médecine gratuite, il y a des choses. Il y a des choses. Ou généralement, les malades, ils consultent quand? la nuit et surtout les week-ends. Oui, une désir, la nuit et les week-ends, vacances. Oui, oui. Comme je sais pas, il vaut mieux avoir le prix. C'est ce qui fait inutile. Est-ce que les pharmacies à l'état sont le week-end? Pourquoi plus les pharmacies privées? Je suis dit, oui ou non? Il faut voir tout le monde qui fait un rêve d'un côté et d'asseoir. Il faut voir le soulagement du malade, c'est très important. Imaginez un petit, par exemple, qui s'est sauté une grille. Peut-être que je me dis, ah, non. Il faut les recouvrir, mais on peut le faire. Il y a des intérêts, ils ont peur de la nuit et du week-end. C'est très important. Elle dit, finalement, quand il est malade, c'est la nuit et le week-end. Pour la nuit, elle pense penser généralement. Le malade, quand il a une douleur, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il Il peut temporiser, peut-être ça fait la peur. Elle a dit que généralement les urgences c'est lit et surtout le mois de Ramadan. L'abdomen il est fréquent que le mois de Ramadan. Non. Pourquoi? C'est pas le mec là, c'est au sein, il y a un je suis en train. Pourquoi les gens poursuivent? Si je suis où est-ce que je suis au sein? Moi je suis au sein, un mec qui se prend. Il va faire vous dites là, vous êtes grave. Vous qui va, un sein, vous êtes. Donc oui, il va toujours. Le malade, il va toujours être rassuré. Il a peur. D'accord. Oui, vous savez que je suis un peu de la vie, il y a beaucoup de robustes. Ou la non. Si tu as la vie, c'est une mais tu as la vie. Mais tu as la vie. D'accord. Vous êtes stressé ou vous êtes assez fort. Faut que tu me rapportes. Conclusion. Non. C'est les périphériques qui viennent des colicystites. La deuxième cause en Algérie, c'est les colicystites. C'est tout cela. Ça ne parle pas de hier. Non. Entre la colicystite. Pourquoi on l'appelle colicystite? Pourquoi? C'est bien pour les dents. Infection, c'est pour les dents. Non. Pourquoi on dit cystite et polycystite? Quelle est la différence? C'est cystite. C'est cystite. Et la vis, c'est une blague. Donc, c'est visu, c'est des vis, c'est visi, c'est des. C'est comme. C'est la même structure. D'accord? Sur les visu, c'est la vis. Blade, l'autre, c'est la urinary blade. C'est. Je me souviens. L'autre, gall blade. D'accord? Je me souviens. Donc, c'est pourquoi en français, ils veulent différencier. La cystite de la colée, ça veut dire bile. D'accord, il dit col, C-H-O-L, ça veut dire bile. D'accord, si on dit que urinaire est blade, il y a des urines. Comme tu vois la différence, colicystite, ça veut dire qu'il y a de la bile. Autrement, on ne dit pas urinocystite. Là, on a cystite, classe. En anglais, c'est l'inverse. D'accord. Urinaire blade. Non, mais colicystite, urinaire blade. C'est la vésicule, on veut la vésicule, mais on veut la urinaire et blade. Et l'autre, la vésicule bilière, avec la gall blade. D'accord. Quand tu dis, on va dire que c'est un peu plus grand. Un peu plus grand, on va dire que c'est un peu plus grand. Donc les causes dans la vie polycystique, les occlusions intestinales aiguës, quelles sont les occlusions? Quelle est la cause la plus fréquente de l'occlusion? Oh, calotte. Des vrilles, des basses. Non, basses, basses occlusions. Pardon? Non. C'est les tumeurs. D'accord? La première cause des occlusions basses, c'est les tumeurs sténosantes. Dans les occlusions hautes, la première cause, c'est les vrilles. Après les occlusions, vous avez quoi? L'infarctus idiomésentérique, les pancréatites aiguës. Deux fois les causes. Et chez la femme, on a la GU. D'accord? Il faut savoir éliminer dans l'abdomen aigu, maintenant, je te vous suis dit, il faut savoir éliminer des autres causes qui donnent une douleur abdominale sans qu'il y ait un abdomen aigu, tel que l'idéme, également les pneumopathies de la base droite, ou bien gauche. Également chez l'enfant, les gastro-entérites, ou bien les rhinopharyngites. Chez l'enfant, généralement, comme il dit, les rhinopharyngites, ça donne des lymphangites abdominales, les tissus lymphoïdes. Ça peut donner des douleurs abdominales, mais ce n'est pas un abdomen aigu. Beaucoup plus, il a un truc oral. Chez l'enfant, c'est beaucoup plus. C'est oral. Les pyélonéphrites, c'est l'abdomen. Allez, vous, déjà, le rang. Oui, le rang. Oui, c'est l'abdomen. Vous pour moi. Mais c'est un des examens que vous demandez chez la femme, à toucher l'homme, les explorations. Chez la femme, et ainsi dans l'examen clinique, du toucher rectal, du toucher pelvien. C'est très important. Et pourquoi vous faites le toucher pelvien? À la recherche de quoi? Voilà, j'ai bien dit. Oui, une hémorragie, une masse, et surtout s'il y a une douleur à la mobilisation du péritoine, comme dans les appendicites, c'est le pli du Douglas, bien dans le péritoine. Et chez la femme, vous faites du toucher pelvien, pourquoi? Une hernie. Toucher vaginal, pourquoi? Non. Parce que vous, dans la femme, elle a deux cultes de sac. Et les cultes de sac de Douglas et les cultes de sac entre la vessie et l'utérus. C'est le deuxième culte de sac. Donc on peut, à travers l'utérus et le vagin, explorer l'abdomen. D'accord? On recherche également une douleur à la mobilisation utérine. Tu fous même une masse latéro-utérine. Les annexes, tout ça. On peut les voir à travers le toucher vaginal. Au bout de la femme, la cavité abdominale, elle est ouverte. La dernière fois, vous savez. Et surtout chez la femme, on fait une autre exploration, c'est les échographies endovaginales. L'échographie qui est endorectale et endovaginale. L'endovaginale, quelle est l'utilité de ça? Pourquoi on l'a fait? Quelle est la différence entre l'échographie qu'on fait à travers l'abdomen et celle à travers les organes? Oui, elle est performante comment? Comme tout cas, on l'a jamais. Moins de quoi? Moins de parois. Vous n'avez qu'une seule muqueuse. Vous n'avez qu'une séreuse. À travers le vagin, vous n'avez que la paroi vaginale. Alors qu'à travers l'abdomen, vous avez les muscles, le tissu graisseux, les trous. Donc, il vaut mieux explorer à travers un organe. Elle est plus fiable. D'accord? C'est l'échographie aujourd'hui. Vous demandez également le CBU. Le chimie des urines. C'est une bande de la urinaire, elle peut orienter. Une hématurie, ça peut être. D'accord? En fonction du contexte, c'est vraiment systématique, c'est en fonction du sous-contexte. Donc maintenant, si je vous pose une question. Une femme de 25 ans. On va le faire sous forme de l'abdomen aigu. On va faire un cas clinique. D'accord? Une femme de 25 ans. Comme ça, suis Christ sur le tableau et tu vas le prendre régulièrement. Je ne sais pas que l'un d'une télévision. Je savais pas que l'autre. Je savais pas. Il faut nous suivre là. On va faire un cas clinique. Et ensemble, c'est notre rêve, chef. Il faut terminer un petit peu de griffe ici. On avait un prof français qui a l'an mal. Il dit à l'exercice. Ou bien nous allons résoudre. Il y a un problème. Il dit pas nous, moi, je. Le français, il ne faut pas écrire nous. Je vais résoudre. Un homme sur le divan. Il y a non, ici, c'est moi qui commence, c'est pas Dieu. Il y a le français. Vous l'avez écrit sur comment ça, c'est Dieu? Oui, c'est Dieu. Sans l'aide de Dieu, je ne peux pas résoudre le problème. Comment ça? Sans l'aide de Dieu, où est-ce que je viens de dire? Le français est l'arabe, oui, il comprend. Non, il n'a pas de Inch'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire si Dieu ne veut pas te le dire? Je dis oui. Il faut la Bible. Donc une femme de 25 ans. Une femme de 25 ans. Il se présente aux urgences. Aux urgences, stop. Pour douleur abdominale. Depuis 24 heures. As-tu déjà quelqu'un? Non. Jamais. Non. Allez, moi, j'ai peut-être tout. Voilà. Depuis 24 heures. Depuis 24 heures. Faut voir, Noroua. Douleur abdominale, depuis 24 heures, d'accord, des nausées, des vomissements, Donc elle se présente aux urgences avec une douleur abdominale, avec des nausées, des vomissements. La première question qu'on se pose, quels sont les éléments à faire préciser à l'interrogatoire? L'interrogatoire qui va répondre. La première question, quels sont les éléments à faire préciser à l'interrogatoire? Allez, qu'est-ce que tu recherches? Je vous finis. C'est l'activité télé. Pardon? L'activité génitale. Peut-être mon nom. Pardon. Allez, c'est ça. D'accord. Hein? L'activité génitale, oui. Quoi? Beaucoup plus, tu recherches l'activité génitale, comment? Très bien, vous, moi. Qui m'a dit, approche en bas. Oui? Le second. Oui, beaucoup plus. La DDR. La date des dernières règles. Qu'est-ce que tu fais? Elle est de 25 ans, vous allez en activité génitale. Est-ce que vous demandez une DDR? Non, un gars. Sur le web d'esprit islam, vous demandez des habitudes toxiques, c'est fait. Oui. قال درك شم هي والله مشكور هي اجلس هي جيب وحده من البات ناوي دوك هو اللي يشمو عمك شمي هذا الشيء هو الذي يحصل على هذا الشيء هذا الشيء هو الذي يحصل على Donc l'âge il est donné. Ce qu'on vous offre. Pardon ? Il est plus léger, je suis venu à Marie en France, en France et en général. Quelle est la différence ? Vous avez ici, vous êtes en Marie, mais des gilles. Est-ce que ça va changer ? Non. على هذه النورمالية وتتوزي دي من يجي بيقول مع دكتور على بيهم ليش أنا باليو لانا تعمل في سيت انفان فيفان شي مني أنا أنا أنا يدولا وعندها بحيلة كل خمسة سبسة باليو يقول نان بيان فانفان شي مني أنا أنا هذه فانجي Angélico, c'est aussi où laquelle les autres grossesses, c'est très important. Vous êtes en part césarienne, est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce qu'ils ont fait une souffrance? Oui. Mais il y a un autre. Beaucoup plus qu'on la BDF, le BDF. Donc il y a un cas clinique, attends, on a déjà le sexe, donc c'est une femme. Attends, on a l'âge, donc je ne répète pas l'âge. D'accord, je souligne. Maintenant, elle s'est présentée aux urgences. Ça veut dire qu'il y a un caractère urgent. Douleur. Un caractère urgent. Elle a une douleur abdominale, donc je lui ai demandé le siège. Le type. D'accord. Le facteur déclenchant. Vous avez compris ça? Également. Proposez-vous. Le mode de début. Début bien brutal, ou bien progressif. Est-ce que vous demandez les signes associés? Non. Attends, nos évomissements. D'accord. Attends, là, je suis facteur déclenchant. D'accord. Est-ce que vous demandez la date de début? Non. Depuis 24 heures. Donc, on est déjà dans l'aigu. D'accord. Oh, we could combattre. La deuxième question. Donc, si tu es une femme, allez-vous comme non mariée? C'est une femme jeune, en activité génitale, on ne dit pas normal, mais jeune, en activité génitale normale, avec une date de dernière règle remontant à 7 jours auparavant. 7 jours, hein, c'est bien. C'est déjà bien. Comme 20 jours, c'est autre chose. 7 jours. La douleur, elle est localisée dans la fosse iliaque droite. Elle a commencé dans tout l'abdomen et qui s'est localisée dans la fosse iliaque droite. D'accord? Elle est sans antécédent particulier. Ici, on connaît plus des antécédents. Elle est sans antécédent particulier. D'accord? La question qui se pose, quels sont les diagnostics, les éléments à faire préciser à l'examen clinique? On va passer à l'examen. Donc, ça doit être l'interrogatoire. Après, pour dénoncer les données d'interrogatoire, quelle constitution jeune, elle a une DDF de 7 jours, elle n'a pas d'antécédent, d'accord? Une douleur seulement. Quels sont les examens à faire préciser les éléments maintenant à l'examen clinique? Oui. Quels sont les examens? Les éléments. Je vous chier maintenant. Les éléments à faire préciser à l'examen clinique. l'examen clinique, qu'est-ce que tu recherches? Non. L'examen clinique. Oui, l'état général. L'état général. Mais il te sert de la région d'appel. Donc, vous recherchez s'il y a une cicatrice d'intervention. Pas dans tes faits. Antécédent. Attention. Antécédent, c'est par départ. D'accord. Les antécédents, c'est départ beaucoup plus. On a sans antécédent, sachamment. C'est fort comme le Wolda. Donc ça va se voir. Sans antécédent particulier. C'est là que j'avais un DA, il y a mon ancien, quelqu'un qui a dit qu'il y a mal avancé, il dit ce que j'ai saisi. D'accord. La cicatrice, c'est une masse. Une masse abdominale, puisqu'elle faut la force de la. Est-ce qu'il y a une masse visible? Et surtout, une défense, une contracture. D'accord. Et vous terminez l'examen clinique par quoi? Par des touchés pelviens, en particulier les touchés vaginaux. Bon, ils vont vous dire que l'examen retrouve une défense de la fossilière droite. D'accord. Une défense de la fossilière droite. Toucher rectal, une douleur à la mobilisation utérine, droite. Toucher vaginal, une douleur à la mobilisation utérine, droite. Toucher rectal, douleur. Avec au toucher vaginal, une douleur à la mobilisation utérine, droite, avec une masse latéro-utérine. D'accord. Latéro-utérine, droite. Une défense, une masse latéro-utérine droite à l'examen touché vaginal. Quels sont les examens complémentaires à demander? Allez. Je suis suspect. Donc je vous quels sont les examens? Demandez un aspect. L'échographie abdominale. Également quoi? Non. Pas de première intention. Le bilan biologique. Vous chiez par exemple. Une FNS. Le CRP. Donc une écho, un aspect. Un bilan biologique, une FNS, une CRP. C'est le moment le plus important. Je peux même demander une chimie des urines. Un de ces virus, c'est pas faux. Après ça. L'aspect retrouve un niveau hydroaérique au niveau de, en regard de la fossilière droite. De 5 cm de diamètre. l'apérotérie de 5 cm de diamètre. Et à la fenêtre, une hyperleucocytose à 15 000 de blanc. Quels sont les diagnostics à évoquer? Hyperleucocytose, mais un petit peu là. À 15 000. Donc vous avez une femme jeune. Le premier diagnostic à évoquer, une appendicite aiguë. Mais il lèche les os d'après. Appendicite aiguë. Deuxième diagnostic. Non, Une masse ovarienne, ne dis pas kyste. Une masse ovarienne, on ne sait pas si elle est kystique ou non. Non, elle est latéro-utérine. Les fibromes, les cutères. On peut avoir des fibromes qui se développent à l'extérieur, mais le point de départ, c'est que tu ne sois pas rien. On a agglutination dans ces aigus. Donc on peut avoir la demande de diagnostic des programmes. Agglutination dans ce niveau de la fossette droite, ça donne beaucoup plus un plastron appendiculaire. L'appendicite aiguë a une défense avec une inférence à 15 000. La masse ovarienne, en rapport avec ce qu'on a vu, la masse latéro-utérine. Quelle est votre conduite à tenir à ce stade? Antibiothérapie. Antibiothérapie. C'est possible une infection. Une infection de qui attendait cette hier en masse. L'hospitalisation. Également quoi? Il faut éliminer l'urgence. Et là, maintenant, j'ai pensé à l'appendicite, je n'élimine pas. Alors je pense déjà qu'il y a un appendicite qui peut aller, il existe. Comment je peux les guérir? Qu'est-ce que je fais? Comment? Allez, garçon, allez, choquer. Soulager la douleur, c'est très important. Là, j'ai un moment. En Algérie, on ne soulage pas le mal. Quand il vient avec un cri, tout ça, où est-ce que tu veux? Tendre. Akra de la robe de Saoud. Là, on ne soulage pas la douleur. C'est le problème, on ne soulage pas la douleur. La douleur, c'est très important. Et actuellement, il faut toujours examiner le malade sans douleur. Il faut d'abord soulager le malade. Ils peuvent même donner des morphines. D'accord? On examine un malade calme, sans douleur. Non, en Algérie, on n'a pas de malade. Donc, soulager la douleur, c'est donner un traitement antalgique. Donc, ça veut dire soulager. C'est un traitement antalgique. Non. Alors ça, j'ai examiné le malade. Ça, il y a un écoute de l'épée. On a un assis là. Oui ou non? Là, je dis, tu me disais, là. Ça, j'ai examiné le malade, tout ça. La première des choses, c'est soulager le malade. Il faut être rapide. Traitement antalgique. Après ça, très bien. Donc maintenant, il y a un doute diagnostique. Vous le connaissez qu'il y a un doute. Si c'est un plastron, est-ce qu'on l'opère? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaille? Faut être sûr. C'est l'intérêt de faire le TDM. C'est là. Parce qu'il est plus spécifique que l'échographie. Tu l'as mis où dans les noms? On dit que c'est un masse. L'utérus. La masse ovarienne. Non, on n'est pas la nature. Est-ce qu'il y a vraiment l'hythme de la douleur ou bien c'est l'appendice? On peut faire l'échographie, oui, il y a agglutination dense, tout ça, mais ce n'est pas spécifique. Mais il y a un appendice. Vous avez remarqué que l'échographie, je n'ai pas dit qu'il y a un appendice. Urgence, dysthovarien, la muscu, on rentre au directeur hospitalisation. Hospitalisation, c'est lequel? Tu le dis bien qu'il est avec les supporters. C'est pour ça que c'est lequel? كيف كنت حلو راه ندخلو لسبيطار ديال الشام كثر فرات غير مسخ على السيرفيس هاك ديتو تسمو مسخ ربي السيرفيس هاك نشوف السيرفيس هاك راه لسبيطار في حاجه اخرى كيس دوفار يوم بعد وين كاين دونك كاسكو فاتو دونك هوسبيتاليزاسيون باسكو تاك شو تما يبعثو Marathon en urgence, ça se fait une exercice, ça fait ça. Et surtout, faire avancer les explorations, c'est la TDM abdominale. Cette TDM abdominale, elle vous dit qu'il y a un appendice épicé à 10 mm de diamètre avec une image de stercoli. Et un kyste de l'ovaire de 5 cm de diamètre. Avec deux. Quelle est votre attitude? Quelle est votre attitude ici? Millimètre. Qu'est-ce que tu fais? Stercolite. Elle a dit qu'il y a un appendice à 10 mm de diamètre. Avec stercolite. Et un kyste de l'ovaire de 5 cm de l'ovaire droit. De 5 cm de diamètre. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre attitude? Vous avez 5 cm. 10 cm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 mm. 10 Oh, diamètre. Diamètre. Comment on appelle ça? On me dit diamètre ou la longueur. Ah, diamètre. Je vais vous parler en français. Il faut être au bout scientifique. Comment on dit ça? Le diagnostic confirmé, c'est quoi? C'est l'appendicite aiguë. Donc, c'est quoi, Bouchillier? Avant. Je suis là, je suis là. Il y a une indication opératoire, oui, un bilan opératoire. Très bien. Donc, l'indication opératoire, elle est posée, c'est ça l'attitude. Comment, avec ces... ça vient après? Je me dis, je suis en train de. Je dis qu'il y a une éducation opératoire en urgence. C'est ça le mot. Une de toutes les technologies pour avoir des réflexes devant un malade, c'est un peu au niveau scientifique. D'accord, mais là, ce qu'il propose à gauche, c'est pour les devant malades, pour parler des mots scientifiques. Pourquoi? Premièrement, il va vous respecter. Oui ou non? Malade à la veille, il faut juste que il a dormi, il raisonnait bien. Parce qu'il va te soulager. Pour les chiffres, il faut dire que tu l'as dit, tu l'as dit, oui ou non? Il y a l'indication opératoire en urgence. Après quoi? Après préparation et bilan préopératoire. Puisque j'ai décidé de l'opérer. Elle m'a dit bilan. Oui ou non? Elle m'a dit que tu as compris. De tout le bilan préopératoire. Je fais après préparation et bilan préopératoire. La préparation, ça consiste en quoi? Il faut s'assurer que le malade est d'argent. J'ai projeté. L'anesthésie. Antibiotique. J'ai mis rien à bilan. Je suis sûr qu'il va être là. On va mettre une piscine. Je suis sûr qu'on va l'intuber. Mais beaucoup plus, un traitement antibiotique. Et un bilan préopératoire. L'opération, mais c'est le traitement. Le traitement, c'est le traitement. Le traitement, c'est le traitement. D'accord. En attendant, soit le traitement sera poursuivi, 48 heures ou une semaine après. Ça dépend de la nature de l'appendice. Est-ce que caparal, abcédé, perforé? Non, d'accord. Écoute ce qu'il y a de place, toi. Donc, comme l'indication opératoire a été posée après le bilan, quelle est votre attitude chirurgicale? Donc il faut répondre. L'indication opératoire, elle a été posée. Il y a l'indication. Après un bilan. Quelle est votre attitude chirurgicale? Où est-ce que vous avez l'appendicectomie? Comment? McBurney ou la Syrie? Je vais me tenir un ouvert, la Syrie. Je vais me dire, je vais prendre. Tu m'as dit, tu sais, tu es avec... Shift. Elle est là. Surtout si vous retrouvez un appendice sain. D'accord, Qatar, on a dit. Ça a l'échographie, mais tu vois. Il faut toujours jeter un coup d'œil sur ses ovaires. On peut retrouver un kyste fonctionnel. Ça a même. Tu as le duo à toi, tu oublies, parce que c'est vrai que tu as. Tu veux que mes écrits la douleur. D'accord. Tu as une femme qui est sympa. Tu as un rat, tu veux que tu te sers ma rafiche. Alors que tu as un coup d'œil, tu n'as pas été vu. Tu as l'échographie, aïe. وكنت تقول لك غرافي يقول لك الكيس يقول لك عنده ام موا وتاز لك ما لوش درت غيرنا وصلات صح على بالك اوني باسي ا كوتي دو ديغنوستيك باسكو حنا جامو نروحو غير بالورغان اللي يهمنا فوق سموري ليكسبلوراسيون دو لابدومان سي سافي بارتي دي لا جيولوجيكال فوق سموري تو لابدومان ساعات نلقاو دي تريك اون نو فوا با داكور ساعات ميم دو كيس لي شوفوش. Donc, qu'est-ce que vous faites? L'attitude là, comme c'est quoi? Je suis sur les Marcus la réponse jusqu'à maintenant. L'attitude chirurgicale, ça veut dire par quelle voie vous la faites? Est-ce que vous la faites par voie chirurgicale, classique, laparotomie, ou bien par voie cystoscopique? La plastomie. Non, actuellement, c'est beaucoup plus chez les femmes. C'est la sigmoscopie. Actuellement, le meilleur traitement, c'est la sigmoscopie. Vous traitez en même temps l'ovaire et vous traitez l'appendice. Et en même temps, vous redressez le diagnostic rétractoire dans les formats typiques de l'appendice. Quel examen vous faites chez la femme? Dans les formats typiques de chez la femme, en cas de suspicion de l'appendicite, dans les formes douteuses, Mahdra touche à la laparoscopie. Actuellement, dans les formes douteuses chez la femme, la laparoscopie, elle joue un très grand rôle. Avec Bédiro à la laparoscopie. Un petit trou dans l'abdomen pour l'ombilic. Et tu as une caméra. Tu ouvres tout le actuellement, donc maintenant, à l'idée, la chirurgie laparoscopique, comment? Tu as fait les notes. Octobre NOTES. N-O-T-E-S. Donc, il va, c'est en anglais. Octobre naturel. Octobre combien? Naturel. Naturel. Orifice. Trans, T ça veut dire trans, endoscopique, PIC, PIC c'est en anglais, surgerie, là, c'est surgerie ça veut dire chirurgie. Ah, et vous avez compris? Tarjama en français? Khali, où est tarjama en français? On va te faire arrêter beaucoup de trans. Ah ouais, donc, Abda, tarjama. Orifice naturel. La chirurgie endoscopique à travers l'orifice naturel. À travers les orifices naturels. Comment? Quels sont les orifices naturels? Le nez. On a voulu l'oreille. La chirurgie par endoscopie, par les voies naturelles. Les orifices naturels. Quels sont les orifices naturels? Vous avez le rectum, la bouche, et chez la femme, le vagin. Oui ou non? Dès l'homène, actuellement, une polycystite par voie transvaginale, vaginale. Polycystomie par voie transvaginale. Imaginez. On trouve à travers le tubus du vagin, le rectum de la bouche. La bouche. Et même dans le rectum de la bouche. Le drainage transrectal. L'ernard s'est perdu à tout ça. Par voie transrectale, par voie endoscopique. D'accord? C'est le drainage par voie endorectale. Ou bien le drainage scano-guidé. Le scanner, c'est-à-dire s'il y a un abcès, on le draine par voie scano-guidé. On n'ouvre pas la rein. Que tu as, je pense. On fait endoscopie, vous allez comprendre ça. Allez-vous. Dans les péritonites. Amigoulou, comme allez, les abcès localisés, comment on les traite? Regardez la chirurgie, elle lui dira maintenant à travers des orifices naturels. Nous avons même l'appendice à travers l'estomac. Nous avons par voie endoscopique, il va avoir l'estomac, il va avoir l'appendice. C'est l'estomac, il va avoir sans aucun trou, donc nous avons aussi, mais c'est aussi une cicatrice d'intervention, chez le boulot. Le malade n'est pas opéré. Chez tout, donc, nous avons des états-là, anciens. Nous avons des malades en France, vous opérez.